Un récit conté par un idiot plein de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. Comment ne pas penser à Shakespeare quand on prend connaissance, jour après jour, des nouvelles du Proche-Orient? Les attentats succèdent aux destructions de maisons, les raids répondent aux embuscades, et chaque jour apporte son lot de morts. Israéliens et Palestiniens semblent emportés dans une spirale folle qui repousse toujours plus loin l'espoir de paix suscité par les accords d'Oslo. Nous avons déjà abordé plusieurs fois cette douloureuse question avec M. X, mais à l'heure où le spectre du terrorisme paraît menacer la planète entière, mon interlocuteur a voulu revenir sur une date clé de l'histoire du terrorisme, la prise d'otage qui a ensanglanté les Jeux Olympiques de Munich en 1972. Pourquoi ? Parce que les circonstances au cours desquelles 11 otages israéliens, 5 terroristes palestiniens et un policier allemand ont trouvé la mort ne sont toujours pas vraiment éclaircies. Mais aussi parce que cette affaire est à l'origine d'une fantastique chasse à l'homme qui s'est peut-être terminée chez nous, à Paris, en 1992, par l'assassinat d'un important dirigeant palestinien, Atef Pseso. 20 ans après, Israël vengeait donc encore ses athlètes massacrés à Munich, apparemment en tout cas, mais n'allons pas trop vite comme aime à le dire M. X. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais cette affaire de Munich a provoqué un choc dans l'opinion. En Israël, bien sûr, qui pleurait la mort de 11 de ses athlètes, mais aussi dans le monde entier. C'était la fête de la jeunesse internationale qui était endeuillée. Et c'était particulièrement terrible pour l'Allemagne qui voulait à tout prix faire oublier les Jeux de 1936. Oui, les Jeux de Berlin. Qui avaient été utilisés par Hitler pour exalter le nazisme et la supériorité de la race aryenne. Pour le gouvernement allemand, Munich devait donc être au contraire une célébration de la paix et de la fraternité. Et contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, on n'avait pas pris une mesure de sécurité draconienne autour des installations olympiques. Parce qu'on n'imaginait pas qu'un tel événement puisse arriver. Oui, mais enfin, après tout, qui avait prévu les attentats du 11 septembre ? C'est vrai. Alors, si vous le voulez bien, voyons d'abord les faits. C'est en pleine nuit que le commando palestinien se présente devant le grillage qui entoure le village sportif. Combien d'hommes, là ? 8, tous habillés de survêtements. Ah oui, pour passer pour des sportifs, des athlètes. Bien sûr, mais il y a aussi un autre homme, un colosse, qui n'est là que pour les aider et veiller à ce que l'escalade du grillage et leur introduction dans l'enceinte se déroulent sans difficulté. Nous reparlerons de cet homme, car c'est le véritable cerveau de cette opération. Et son nom ? Il se fait appeler Abu Daoud, mais son véritable nom est Mohamed Daoud Odeh. C'est un membre important du Fatah et un proche de Yasser Arafat. Enfin, reprenons. Les Fedayins s'apprêtent donc à franchir le grillage lorsque d'autres hommes arrivent. Ce sont des sportifs américains en goguette qui ont fait le mur pour aller s'amuser en ville. Alors, eux aussi veulent escalader le village ? Naturellement, car les portes du village sont fermées. Et ils sont sortis sans l'autorisation de leurs entraîneurs. Alors, réaction du commando là, les Palestiniens se font passer pour des athlètes brésiliens qui, eux aussi, se sont fait la veine. Et les Américains ne nourrissent aucun soupçon ? Non, d'autant plus qu'ils ne sont pas tout à fait à jeun, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensemble, cédant les uns les autres, ils commencent à escalader le grillage. Mais surtout, les athlètes américains donnent un coup de main pour passer les sacs des Palestiniens de l'autre côté du grillage. Des sacs très lourds. Ouais, parce qu'ils contiennent les armes, c'est oui, ça hein. Donc, ce sont donc des Américains qui aident les terroristes à introduire leurs armes à l'intérieur du village olympique. C'est exact. Aussi absurde que cela puisse paraître. Et ensuite, alors ? Les sportifs américains disparaissent dans la nuit, tandis que les faux brésiliens courent vers le pavillon israélien. Ils ont effectué auparavant des repérages. Abu Daoud lui-même a pu longuement visiter le bâtiment avant l'ouverture des Jeux. Ça paraît quand même assez extravagant, non ? Oui, ça prouve deux choses. D'abord, ça confirme ce que je disais, les mesures de sécurité sur le site n'étaient pas très strictes. Ensuite, ça indique que l'opération de Munich était relativement artisanale, en tout cas largement improvisée, puisque c'est le cerveau même qui a dû prendre des risques en s'introduisant dans le pavillon des Israéliens. Bon, d'accord. Le commando arrive donc dans le pavillon. Là, hein. Auparavant, les 8 fedayins ont ouvert leurs sacs, ont enfilé les cagoules et se sont répartis les armes, grenades et fusils d'assaut. Et ils entrent dans le bâtiment. Ils n'ont même pas besoin de faire sauter la porte, elle n'est même pas fermée. Ce qui montre une fois de plus que les Israéliens sont confiants. Alors même que de nombreux attentats ont eu lieu précédemment. Vous avez raison. En cette année 72, Israéliens et Palestiniens se livrent une guerre sans merci. Il y a eu par exemple le massacre de l'aéroport de Lod, où des Japonais affirmant agir pour le Fonds de libération de la Palestine ont abattu une 30aine de personnes. Mais les services israéliens n'étaient pas en reste et avait déjà assassiné plusieurs dirigeants palestiniens au Liban en utilisant des colis piégés ou des voitures bourrées d'explosifs. Alors, on peut s'étonner que le pavillon israélien à Munich ne soit pas placé sous protection. Mais il paraît que des agents du Shin Bet, le contre-espionnage, avaient été dépêchés sur place. Mais cette nuit-là, ils n'étaient pas présents. En goguette aussi. C'est probable. Quoi qu'il en soit, les Fedayeen, à peine rentrés, doivent faire face à une sérieuse résistance. L'un des athlètes, un lutteur, venait tout juste de se coucher. Oui, il est encore éveillé. Alors, oui, aussitôt, il se jette sur l'un des membres du commando, parvient à lui arracher sa Kalachnikov. Mais un autre Fedayeen l'abat d'une rafale. Un second sportif, un haltérophile, résiste également. Lui aussi est tué. Il faut dire que ces athlètes qui se sont si courageusement conduits avaient tous suivi des stages dans l'armée israélienne. Mmh. Et les Palestiniens, ont-ils été surpris par cette résistance? Certainement, car leur chef Abou Daoud leur avait recommandé de n'utiliser leurs armes qu'en dernière extrémité. En tout cas, les membres du commando sont maintenant maîtres du pavillon. Quelques athlètes ont réussi à fuir et vont donner l'alerte. Mais il reste 9 hommes qui sont immédiatement ligotés. Oui, 9 otages. Et quelle est la revendication du commando? Ils exigent la libération de plus de 200 prisonniers palestiniens détenus par les Israéliens. Et ils demandent que soit mis à leur disposition un avion qui leur permettra de rejoindre une capitale arabe. Et si mes souvenirs sont exacts, c'est l'organisation Septembre Noir qui revendique cette prise d'otage. Une Septembre Noir par référence aux événements qui s'étaient déroulés 2 ans plus tôt en Jordanie. Le roi Hussein avait alors donné l'ordre à son armée d'expulser de son pays l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. L'OLP qui occupait une place éminente en Jordanie. En effet, après la guerre des 6 jours et l'occupation de la Cisjordanie par Tsahal, des milliers de Palestiniens avaient fui en Jordanie, venant encore grossir les camps de réfugiés qui existaient déjà. Et Hussein craignait pour son pouvoir. En septembre 1970, il a donc déclenché une véritable guerre contre les Palestiniens et les combats excessivement violents ont fait des milliers de victimes dans les camps. Les Palestiniens ont à nouveau fui, enfin, vers le Liban cette fois-ci. Et ça ne sera pas sans conséquence, oui. Mais c'est une autre histoire. Pour les Palestiniens, ce mois de septembre a donc été terrible. Et il est resté pour eux Septembre Noir. Septembre Noir qui est aussi devenu une organisation terroriste chargée à la fois de punir les Jordaniens et de combattre pour la cause palestinienne. Le nom de cette organisation apparaîtra pour la première fois en 1971, à l'occasion de l'assassinat du premier ministre jordanien. Oui, donc c'est une vengeance. Mais vous parlez d'organisation. Est-ce que Septembre Noir était très structuré? Oui, bonne question. En fait, tous ceux qui ont eu à connaître de la question du terrorisme dans ces années-là le savent. Septembre Noir était une appellation trompeuse. Trompeuse, c'est-à-dire ça. En réalité, c'était une sorte de couverture qui permettait aux mouvements palestiniens de revendiquer leurs actions. Ça signifie que le Fatah de Yasser Arafat s'en est servi, mais aussi le FPLP de Georges Apache, ou même le redoutable Abou Nidal. Mais dans le cas de Munich, là, qui se trouvait derrière Septembre Noir? Abou Daoud était très proche de Yasser Arafat et les autres hommes qui ont préparé l'opération l'étaient également. Et par conséquent, Yasser Arafat savait. C'est le minimum, oui. Alors, quand les Israéliens l'accusent d'avoir toujours été un chef terroriste, Arafat pourrait facilement leur retourner le compliment. Begin, Shamir ont mené eux aussi des actions terroristes contre les Britanniques. Quant à Sharon, vous savez ce qu'il en est. Même Yehoud Barak, nous en reparlerons, a mené une opération de commando en plein Beyrouth, opération au cours de laquelle 3 dirigeants de l'OLP ont été assassinés et de nombreux Palestiniens tués. Au Proche-Orient, trop souvent, la lutte politique a emprunté le chemin du terrorisme. Ouais, en Palestine, ça dure depuis une bonne centaine d'années. Mais entendez-moi bien, je ne veux absolument pas absoudre Yasser Arafat. Et autant je peux comprendre les actions de résistance menées dans un pays occupé au nom d'une lutte de libération nationale, comme en France, pendant la guerre. Ouais, il faut d'ailleurs noter que les résistants étaient alors appelés terroristes par les autorités vichistes et allemandes. C'est juste. Mais autant je condamne de la façon la plus formelle les attentats qui frappent des civils innocents. Ouais, et c'était le cas à Munich. Naturellement, ces sportifs israéliens n'étaient en rien coupables ou responsables. Ouais, alors justement, revenons à notre sujet. Les 8 Fedayeen détiennent donc 9 otages, et ils veulent que tout aille vite. Mais la réponse du gouvernement israélien est sans surprise. Golda Meir, c'est elle alors qui est Premier ministre, refuse tout accord avec les preneurs d'otages. On va donc vers une épreuve de force. Oui, car dans le même temps, les Israéliens poussent les Allemands à la fermeté. Le patron du Mossad, Zvi Zamir, s'est même déplacé à Munich afin d'encourager le gouvernement allemand à ne pas céder. Il a même proposé qu'une équipe israélienne règle le problème. Mais le chancelier Willy Brandt a refusé. Il est donc contraint à agir lui-même. Mais à l'époque, les Allemands ne disposent pas encore d'équipes spécialisées susceptibles d'intervenir efficacement. Ça veut dire qu'on s'achemine clairement vers une catastrophe. La position des autorités allemandes est en effet au cœur du drame de Munich. Dans un livre sur l'international terroriste publié par Olivier Orban, Ovid de Maris résume ainsi. Les terroristes menacèrent d'exécuter les otages si on ne libérait pas les 200 terroristes palestiniens détenus en Israël. Ils exigeaient de plus la libération de Kozo Okamoto, seul survivant des terroristes de l'aéroport de Lod, et aussi celle d'Ulrike Meinhof et d'Andreas Bader. Les autorités allemandes ne savaient trop que faire. Israël refusait de libérer ne fût-ce qu'un Palestinien. Les hommes de Septembre Noir avaient repoussé l'offre de rançon des Allemands et leur proposition d'échanger des personnalités allemandes contre les Israéliens pris en otage. Le chancelier Willy Brandt avait téléphoné au Caire pour demander les bons offices du président Sadat. Il avait essuyé un refus. Le premier ministre, Aziz Siddiqui, lui ayant répondu qu'il n'était pas en son pouvoir de faire revenir les terroristes sur leur décision et que l'Égypte ne voulait pas être mêlée à cette affaire. Mais Brandt s'entêtait. Je ne pouvais me résoudre à ce qu'on laissât partir les terroristes. D'ailleurs, les terroristes ne voulaient pas seulement partir après avoir obtenu satisfaction, ils voulaient aussi emmener les otages avec eux. Nous ne pouvons tout de même pas les laisser embarquer comme des colis postaux sans nous soucier de leur sort, dit un des proches du chancelier. Et c'est ainsi que la décision la plus funeste allait être prise. Avant de poursuivre, là, je voudrais revenir sur un point important. Vous avez dit que c'était sans surprise que le gouvernement israélien avait d'emblée adopté une position de fermeté. En refusant l'échange d'otages contre prisonniers. Oui, mais pourtant, en d'autres occasions, Israël a accepté des échanges, hein, des centaines de Palestiniens pour récupérer un seul prisonnier israélien. C'est juste. Mais c'est alors Golda Meir qui est au pouvoir, c'est-à-dire une femme qui en remontrerait à bien des hommes pour sa fermeté et aussi son intransigeance. Elle dit, et ce n'est pas faux, si nous cédons, plus aucun Israélien dans le monde ne pourra se sentir en sécurité. Ah, bien, bon. Revenons au déroulement des événements. D'ultimatum différé, on en arrive à la fin de la journée. La nuit tombe et aucune solution n'a encore été trouvée. Mais vers 22h, les émissaires allemands font une proposition au commando de Septembre Noir. Les ravisseurs sont autorisés à quitter le territoire allemand en compagnie de leurs otages. Un avion les attend sur un aérodrome militaire proche. Deux hélicoptères vont venir les prendre. Moi, il leur faut quitter le pavillon israélien. Et c'est là, bien entendu, que les Allemands ont prévu d'agir. Sur le trajet qui mènera ravisseurs et otages jusqu'à l'endroit où les hélicoptères se seront posés. Des tireurs d'élite sont déjà en position, prêts à tuer les 8 Palestiniens du commando dès qu'ils sortiront du pavillon. Mais le piège allemand est éventé par Septembre Noir. Les terroristes demandent et obtiennent qu'un autocar assure leur transport jusqu'aux hélicoptères. Alors, est-ce que les autorités allemandes ont, péché par naïveté ? Je ne sais pas. Mais manifestement, elles n'étaient pas prêtes à faire face à une telle situation. En tout cas, là, il leur faut très vite changer de plan. Hein. Et dans l'urgence. Ouais. Car 30 kilomètres seulement séparent le village olympique de l'aérodrome militaire où les pirates doivent en principe embarquer à bord d'un avion de la Lufthansa. En outre, les Allemands savent désormais qu'ils ont affaire à des hommes déterminés et particulièrement méfiants. Quel est le nouveau plan qui va être envisagé ? Les policiers allemands sont maintenant contraints d'agir sur l'aérodrome. Seul point positif, à l'intérieur de cette enceinte militaire, la presse sera tenue à distance. Ce qui n'était pas le cas au village olympique. Oui, en tout cas, les ordres sont stricts. Le commando ne doit pas quitter le territoire avec ses otages. La police dispose donc quelques tireurs d'élite derrière l'avion dans lequel les hommes de Septembre Noir doivent embarquer. Il est prévu qu'ils ouvrent le feu dès que les fedayines mettront le pied à terre. Il y a aussi sur le tarmac et dans les bâtiments d'autres policiers et des gardes frontières. Tous armés, bien sûr. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Que se passe-t-il ? Les terroristes sont décidément très prudents. Les hélicoptères se posent, mais tous les fedayines ne descendent pas. Ils délèguent deux d'entre eux chargés de visiter le Boeing qui les attend. Toujours la peur d'être pris au piège. Oui, mais ce qui est important pour la suite, c'est que les otages sont restés dans les hélicoptères. Après, le déroulement des événements est très confus. Et pour tout dire, on ne sait toujours pas ce qui s'est vraiment passé. Alors voyons la version officielle. C'est la version allemande. Les tireurs d'élite abattent un des fedayines qui est allé visiter le Boeing, puis un ou deux autres qui se trouvent près des hélicoptères. Aussitôt, les hommes de Septembre Noir ripostent. Le tir est nourri de part et d'autre. Plusieurs terroristes sont touchés. La fusillade dure très longtemps. À la fin, un des Palestiniens lance une grenade dans un hélicoptère qui explose aussitôt. Et les otages sont à l'intérieur. Oui, et quand les tirs cessent, enfin, le bilan est terrible. Tous les otages ont péri. Un policier a été tué, 3 fedayines sont capturés vivants, les 5 autres sont morts. Alors, les athlètes qui se trouvaient dans l'hélicoptère auraient donc été tués dans l'explosion de l'appareil, mais les autres... Pour les autorités de Bonn, il ne fait nul doute que ce sont les terroristes qui les ont abattus. Parce que c'est la version la plus présentable. Ouais, pour expliquer ce qui est quand même un terrible échec. Naturellement. Mais il n'y a aucune certitude. Et notez-le bien, ni les rapports d'autopsie, ni les rapports balistiques ne seront jamais rendus publics. Et pourtant, les familles des otages les réclameront à plusieurs reprises. Alors, on ne sait pas. Non, la fusillade a été très longue, je vous l'ai dit. Et il est très possible que les otages israéliens aient été victimes de tirs allemands. Ouais. Est-ce que cette version officielle, donc allemande, est acceptée par le camp palestinien? Très curieusement, oui. Pour une raison assez cynique. Mais il faut m'expliquer, alors. Si cette terrible affaire a profondément choqué l'opinion mondiale, il n'en est pas de même dans le camp des réfugiés palestiniens. Bien au contraire. L'action des membres du commando est présentée comme un exploit et une victoire sur les Israéliens. On exalte leur esprit de sacrifice. Rien ne doit donc ternir le courage et l'audace des fellahim. Tuer les otages, c'est tout de même pas faire preuve d'un grand courage. Hein. Les Palestiniens ne voient pas les choses comme ça. Tombés dans un piège, les fellahim ont rempli leur mission jusqu'au bout et avant de tomber, ils ont mis leur menace à exécution. Leur détermination ne peut être mise en doute. C'est aussi important pour l'avenir. Pour les actions à venir, vous voulez dire, c'est oui, ça. Oui, le monde entier doit savoir que les terroristes palestiniens ne reculent jamais. Alors, si je vous suis bien, il y aurait donc une sorte de connivence implicite entre les autorités ouest-allemandes et les Palestiniens. Personne n'aurait vraiment intérêt à découvrir la vérité. Oui, ni les Allemands ni les Palestiniens ne veulent vraiment éclaircir ce qu'il s'est vraiment passé. Ce qui va suivre me donne raison. Mais une parenthèse auparavant. Après la tuerie de ses athlètes, Israël ne pouvait pas rester sans réagir. Des représailles. Oui, hier comme aujourd'hui. L'État hébreu a toujours répliqué. Et à peine 48 heures après la tragédie de Munich, des avions israéliens bombardent les camps de réfugiés palestiniens, blessant ou tuant quelques 200 personnes. Mais ce n'est pas tout. Golda Meir est bien décidée à se venger des hommes de Septembre Noir qui ont préparé la prise d'otages. Oui, la fameuse liste de Golda. Oui, la liste des hommes à assassiner. On y reviendra. Voyons d'abord la suite. Attendez, vous m'avez dit que ni les Palestiniens, ni les Allemands ne tenaient à faire la lumière sur les événements de Munich. Mais en Israël Vous imaginez bien que la version allemande a été acceptée avec empressement. Oui, parce qu'elle avait l'avantage de présenter les Palestiniens sous leur plus mauvais jour. Bien entendu, désormais leur réputation de terroriste était bien établie. Et il faudra attendre le début des années 90, 20 ans après ces tragiques événements, pour que des Israéliens commencent à se poser des questions. Mais je reviens à ce que je voulais vous dire. Le drame avait eu des témoins. Les policiers allemands, mais aussi les trois fellahim blessés, mais capturés vivants. Des hommes qui, s'ils étaient jugés, risquaient un jour ou l'autre de dire la vérité. Il convenait donc de se débarrasser d'eux au plus vite. Selon M. X, au début des années 90, les Israéliens se sont posés des questions sur ce qui s'était vraiment passé à Munich. Et voici ce que je lis dans le livre de mémoire du cerveau de l'opération, le dirigeant palestinien Abu Daoud. Le 16 juillet 1992, le quotidien israélien The Jerusalem Post émettait une hypothèse. Sur la piste de l'aéroport, les otages n'auraient pas été victimes de nos seuls hommes. L'auteur de l'article, Nettie Gross, s'étonnait que les Allemands n'eussent jamais rendu public les résultats de l'autopsie des Israéliens, ni les examens balistiques qui auraient révélé l'origine des projectiles les ayant tués. Jamais non plus, le gouvernement israélien n'avait reçu ni demandé communication de ces documents, en dépit des démarches répétées des familles des victimes, comme si les autorités d'Allemagne et d'Israël ne voulaient pas que toute la vérité se sût. C'est alors qu'une semaine plus tard, le 23 juillet, un autre journal israélien, Yediot Aharonot, affirmait pour la première fois que 8 des 9 athlètes israéliens tués à l'aéroport l'avaient été par la police ouest-allemande. Le journal fondait ses affirmations sur le rapport des médecins légistes allemands en date du 6 septembre 1972, auquel l'avocat des familles des victimes avait eu enfin accès par on ne sait quel moyen. Je ne m'étonnais pas de constater que ces familles, si longtemps après, voulaient connaître les circonstances exactes de cette tragédie, alors que de notre côté, nous nous étions satisfaits de bien des zones d'ombre. Il me faut avouer en effet que tout au long de ces 20 années, nous n'avons jamais cherché à faire toute la lumière, et encore moins à informer le monde sur ce qui s'était réellement passé. On en rajouta même, si je puis dire, dans la désinformation. Beaucoup de raisons militaient en ce sens, la première étant qu'au lendemain de ce drame et durant les mois qui suivirent, rien ne devait altérer aux yeux de nos compatriotes notre réputation d'audace et d'adversaire implacable d'Israël et de ses alliés acquise à la faveur de cette opération de Munich. Le livre d'Abou Daoud, intitulé « Palestine, de Jérusalem à Munich » et coécrit avec le journaliste Gilles Dujonchet, a été publié en 1999 chez Anne Carrière. Que voulez-vous dire là, en affirmant qu'il fallait se débarrasser au plus vite de ces trois fédayines ? Bon, patientez un instant et écoutez bien, comme d'habitude. Les Palestiniens réclament la libération de leurs trois hommes. Sans illusion, là, j'imagine. Et parallèlement, les Israéliens demandent que les trois fédayines leur soient remis. Et là aussi, c'était inenvisageable. Bien entendu, puisque la tuerie avait eu lieu sur le sol allemand, c'était donc la loi allemande qui devait être appliquée. Mais fin octobre... À peine deux mois après la tuerie de Munich, donc Fin octobre, un Boeing de la Lufthansa qui effectue la liaison Damas-Beyrouth, Ankara-Munich, est détourné par deux Palestiniens qui réclament la libération des trois fédayines emprisonnés en Allemagne. C'était assez prévisible, non ? Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et première interrogation, on peut se demander pourquoi Bonn n'a pas pris les mesures pour assurer la sécurité des vols de sa compagnie nationale, d'autant que les Israéliens ont prévenu les Allemands. Ah, d'une menace de piraterie aérienne, c'est ça ? Oui, la réaction logique aurait été de placer un agent armé dans tous les avions allemands. L'autre sujet d'interrogation, c'est que cet avion transporte très peu de passagers, une dizaine dont la majorité sont arabes. Et comment vous interprétez ça, non ? Je vous le dirai plus tard, mais poursuivons. Le Boeing piraté fait d'abord une escale à Nicosie, où le plein de kérosène est effectué. Il reprend l'air. Où les pirates de l'air veulent-ils se poser, là ? À Munich, où sont détenus les fédayines et où ils doivent être jugés. La suite est bizarre. Prétextant un vent violent qui oblige l'avion à voler plus bas et donc à consommer plus de carburant, les pirates font une nouvelle escale en Yougoslavie. À Zagreb, exactement. Là, qu'est-ce qui vous paraît bizarre ? Écoutez, je suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'avec un plein de kérosène et même avec un vent contraire, l'appareil aurait pu attendre Munich. Peut-être. Alors pourquoi cette escale à Zagreb ? Franchement, je n'en sais rien. Mais je remarque simplement que le gouvernement yougoslave n'était nullement hostile aux Palestiniens, mais au contraire. Et d'ailleurs, vous le constaterez, les pirates de l'air reviendront un peu plus tard à Zagreb. Alors, vous pensez que les pirates ont peut-être mis au point, avec les Yougoslaves, le scénario de ce qui va suivre. C'est très possible. Le Boeing est donc à nouveau ravitaillé en kérosène et il reprend l'air en direction de Munich. Il va y atterrir, hein ? Non. Non, l'appareil va se contenter de tourner au-dessus de l'aérodrome où des forces considérables ont été massées. Ce que peuvent voir les pirates. Évidemment, mais pouvaient-ils s'attendre à autre chose ? Et pendant que l'avion continue à survoler l'aéroport de Munich, les pirates sont entrés en relation radio avec les autorités d'Allemagne de l'Ouest. Et on leur apprend que les trois fédayines de Septembre Noir ont déjà été extraits de la prison. C'est-à-dire que le gouvernement allemand cède, là. Mais avec une célérité extraordinaire. Suspecte, vous voulez dire. On peut se le demander, car le ministre de la Justice annonce qu'il renonce à toute poursuite contre les trois hommes. Ah, les hommes qui sont pourtant accusés d'avoir kidnappé. Puis tuer les athlètes israéliens. Oui, le ministre se justifie en disant qu'il agit ainsi pour sauver les passagers otages des pirates de l'air. Aussitôt, dès cette déclaration, les deux Palestiniens ordonnent aux pilotes de revenir à Zagreb. Vous parlez de deux Palestiniens, c'est les deux pirates de l'air. Hein. Donc, ils auraient pu se poser à Munich, au fond, pour faire monter à bord les trois fédayines. C'est vrai, mais le scénario, comme vous l'avez dit, ne prévoit sans doute pas cette solution. À cause des forces armées présentes sur l'aérodrome ? Peut-être, mais enfin, je n'y crois pas. En fait, vous l'avez deviné, tout doit se passer en Yougoslavie. Les trois fédayines sont embarqués dans un petit bimoteur affrété par les Allemands. Un appareil qui prend lui aussi la direction de Zagreb. C'est là qu'en principe doit avoir lieu l'échange. Et le Boeing détourné ne se posera que lorsque le bimoteur atterrira à son tour à Zagreb. Et alors, qu'est-il prévu ensuite ? En principe, le commando qui a pris possession du Boeing doit relâcher ses otages et monter dans le bimoteur à destination d'une capitale arabe. Mais les terroristes palestiniens en veulent toujours plus. Et ils invitent les trois fédayines à les rejoindre. Une nouvelle fois, on a fait le plein. Et le Boeing redécolle pour Tripoli. C'est là que les pirates de l'air entendent libérer leurs otages, passagers et membres d'équipage. Ce qui va se passer ? Effectivement. Les terroristes triomphent donc sur toute la ligne. Et je vous laisse imaginer l'accueil qu'ont fait aux cinq Palestiniens lorsqu'ils arrivent en Libye. Ils sont traités en héros. Vous étiez attendus ? C'est évident. Un dirigeant du Fatah était déjà là, ce qui me permet d'affirmer que toute cette affaire était truquée. La seule anicroche au scénario ayant peut-être été cette dernière exigence des pirates de poursuivre leur voyage en Boeing jusqu'à Tripoli. Mais quand vous dites que cette affaire était truquée, c'est qu'il y avait eu un accord préalable entre les Allemands et les Palestiniens, c'est ça ? Et après avoir appris ça, vous ne vous étonnerez pas de savoir que nul agent de sécurité ne se trouvait à bord de l'appareil de la Lufthansa et que l'avion n'avait embarqué qu'un très petit nombre de passagers. Oui, dont une majorité d'Arabes. Oui, hein, et il n'est pas interdit de penser que certains d'entre eux étaient peut-être de mèche avec les pirates de l'air, non. Il fallait qu'on croie à un véritable détournement d'avion afin de pouvoir se débarrasser de ces trois prisonniers palestiniens qui se trouvaient dans les prisons allemandes. Trois hommes qui savaient exactement ce qui s'était passé sur l'aérodrome militaire où sont morts les athlètes israéliens. Mmh. Est-ce que ces hommes ont ensuite raconté quelque chose? Jamais, non. Et ils n'ont plus jamais fait parler d'eux. Et je crois que deux d'entre eux, toujours vivants, se dissimulent encore en Palestine, sans doute sous de faux noms. Mmh. Mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'il y a eu une entente entre Palestiniens et Allemands pour organiser ce vrai faux détournement d'avion? Auparavant, je voudrais quand même dédouaner un peu le gouvernement allemand de l'époque. Avant de se livrer à cette supercherie, il avait reçu de sérieuses menaces. Des Palestiniens, au nom de Septembre Noir, toujours, avaient fait passer le message à Bonn. Si les trois fédayines de Munich n'étaient pas libérés, les intérêts allemands seraient frappés. Mmh. Alors Bonn a préféré céder au chantage, car c'est bien de chantage qu'il s'agissait. C'est vrai. Mais pouvons-nous, nous, Français, donner des leçons à nos voisins? Après tout, en 1977, je crois, lorsque le cerveau de la prise d'otage de Munich, Abu Daoud, a été interpellé sur notre sol, nous nous sommes bien gardés de l'extrader vers l'Allemagne, comme le gouvernement de Bonn nous le demandait. Et nous l'avons promptement mis dans un avion partant pour l'Algérie. Mmh. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pendant longtemps, en effet, même si on se posait beaucoup de questions sur la rapidité avec laquelle le chancelier allemand avait cédé aux pirates de l'air, et malgré les circonstances étranges de ce détournement, on n'a pas vraiment su s'il y avait eu un marchandage. Et il n'y a pas si longtemps, ce même Abu Daoud a mangé le morceau, si je puis dire. Qu'a-t-il dit, alors? Il a raconté qu'à l'époque, les services allemands avaient contacté le Fatah afin de se débarrasser des trois fédayines de Munich en organisant la mise en scène d'un faux détournement. Et il ajoute que les Allemands étaient si pressés qu'ils proposaient le versement de plusieurs millions de dollars. Mais Abu Daoud, qui, du moins le prétend-il, était opposé aux opérations de piraterie aérienne, a décliné l'offre. Une offre que d'autres Palestiniens se sont empressés de saisir. Mmh. Et ça vous semble crédible? Absolument. Mais cette affaire, vous l'imaginez, a décuplé la fureur des Israéliens et renforcé la volonté de Golda Meir de se venger de Septembre Noir. La semaine prochaine, nous évoquerons la suite de cette affaire, c'est-à-dire la vengeance des Israéliens. Mais avant d'en finir, je voudrais répondre à cette question. Pourquoi Munich? À l'époque, le mouvement palestinien est très faible. Chassé de Jordanie, mal aimé au Liban, oublié par la plupart des États, et en particulier les États arabes, les Palestiniens sont au plus bas et connaissent en outre une véritable crise de recrutement. Symbole de cet abandon, le Comité international olympique a même refusé de répondre à leur demande d'envoyer une délégation à Munich. Alors, Abu Daoud explique, je le cite à nouveau, « Ce n'est évidemment pas parce que le CIO faisait comme si nous n'existions pas que l'idée de nous emparer d'athlètes et de délégués israéliens au prochain jeu avait soudain germé dans nos têtes. Nous comptions surtout profiter de l'extraordinaire déploiement des médias internationaux pendant la durée des épreuves pour donner à notre cause un retentissement mondial. Le drame palestinien serait ainsi connu de chaque foyer dans le monde. Mais le dirigeant palestinien n'avait pas prévu que la prise d'otages dégénérerait en massacre.